Bonjour, c'est Fabrice Drouel. Je vous propose, en attendant de revenir très vite avec des épisodes inédits d'Affaires Sensibles, bien sûr, de redécouvrir les fameux rendez-vous avec X. Cette émission culte de Patrick Penaud va vous permettre de pénétrer dans de nombreuses affaires sensibles dans les coulisses des services secrets français. C'est sans doute le plus bel exemple de reconversion réussie, car ils sont partout. Au pouvoir, bien sûr, mais ils tiennent aussi les rênes de l'économie, dans leur pays, mais aussi hors de leur sphère traditionnelle, où peu à peu, ils grignotent des secteurs entiers. Non, je ne veux pas parler des trotskistes, mais des anciens du KGB et des services de renseignement qui leur étaient affiliés dans les ex-démocraties populaires. En Russie, c'est évident, puisque Vladimir Poutine règne et a pris soin de placer ses collègues dans presque tous les centres de décision, qu'ils soient politiques ou économiques. C'est ainsi que l'ex-KGB a pris le contrôle de plusieurs régions et de grandes entreprises privatisées dès la dislocation de l'Empire soviétique. Mais en Occident aussi, on voit apparaître d'anciens maîtres espions qui, profitant du boom pétrolier russe, essaient de pénétrer de grandes entreprises. En réalité, on le sait aujourd'hui, les hommes du KGB avaient largement anticipé la fin de l'ère soviétique et s'étaient préparés à cette discrète prise du pouvoir. Pour s'en convaincre, il suffit de constater que les services secrets ont accompagné la fin du communisme plus qu'ils ne l'ont combattu. Et parfois, comme en Roumanie, ils l'ont provoqué. Quant à l'argent rouge, il avait déjà pris le chemin de l'Ouest à travers les nombreuses filiales créées par les banques de l'Est. Espions hier, dirigeants ou chefs d'entreprise aujourd'hui, ce sont les mêmes hommes. Et malgré la disparition du rideau de fer, ils appliquent encore des programmes élaborés auparavant. Il en est ainsi, selon M. X, de l'opération Neva, conçue sous Gorbatchev. Une gigantesque affaire d'espionnage où l'on rencontre un certain Robert Maxwell et des personnages qui sont intervenus en France, à Belfort plus précisément, dans l'aventure puis la déconfiture de l'entreprise Giga Storage. Солнце в бокале, фруктовой ленью Вы вольготно молчали, я теряла терпенье В незадуманный вечер заплывем осторожно Вы угаданы встречи, я постельною дрожью Капля солнца в бокале, фруктовой ленью Вы вольготно молчали, я теряла терпенье В незадуманный вечер заплывем осторожно Вы угаданы встречи, я постельною дрожью Patrick Penaud, rendez-vous avec X. Je crois vous l'avoir dit, Youri Andropov, patron du KGB, avant de devenir le numéro un soviétique au début des années 80, avait très tôt compris que la compétition entre l'Est et l'Ouest tournait en faveur de ce dernier camp. Oui, il fallait donc redresser la barre. Au plus vite, oui. Et dans ce sens, le véritable inventeur de la perestroïka, c'est lui. Andropov. Ouais. Mais au fond, c'est alors ce qu'il faut trouver, c'est la solution de la dernière chance. Oui, c'est à peu près ça, mais ça ne suffisait pas. Il fallait aussi combler le retard technologique du camp soviétique. D'où l'élaboration d'une formidable entreprise d'espionnage visant à piller systématiquement le patrimoine scientifique occidental. Mmh. Afin de faire des économies. Hein, en recherche et développement, oui. Et ça, ça a plutôt bien fonctionné. Jusqu'au moment où une taupe soviétique recrutée par la DST française a révélé le poteau rose et provoqué l'expulsion d'espions technologiques un peu partout en Occident. Enfin, n'y revenons pas, nous avons autrefois évoqué cette affaire. Oui, l'affaire Farewell. Hein. Oui, en 1981. Cet échec du KGB n'a toutefois pas dissuadé le Kremlin de récidiver. C'est ainsi qu'a été élaboré en 1986 le projet Neva. Neva, alors de quoi s'agissait-il? Je vous explique, mais avant, il faut que vous sachiez qu'il existait à l'Ouest un organisme appelé familièrement le COCOM, c'est-à-dire le Comité de coordination du contrôle des échanges stratégiques. Un comité international installé à Paris et qui rassemblait tous les pays de l'OTAN, plus le Japon et l'Australie. Oui, ça je me souviens, sa fonction était de contrôler les exportations des matériels sensibles à destination des pays de l'Est. Essentiellement. Exportation de matériel militaire, mais aussi de technologies représentant un intérêt stratégique. Et comme vous pouvez l'imaginer, ce COCOM qui instituait une véritable barrière douanière entre l'Est et l'Ouest gênait beaucoup les soviétiques. Il fallait donc à tout prix essayer de la contourner. D'accord, mais comment alors? C'est l'objet du projet Neva, auquel on va consacrer dès le départ 600 millions de dollars. Les soviétiques, hein, c'est ça. En effet. Ouais. Et pour ne pas trop attirer l'attention, ils utilisent un faux-nez. La Bulgarie. C'est quand même un faux-nez très transparent. À l'époque, nul n'ignore que les services bulgares sont étroitement associés au KGB. On a même dit que la Bulgarie était le meilleur élève du camp socialiste. C'est-à-dire le plus docile. Bien entendu. Mais en réalité, si la Bulgarie a été choisie pour piloter le projet Neva, c'est que cette démocratie populaire avait une très bonne réputation dans un domaine particulièrement intéressant, l'informatique. Une parenthèse. Savez-vous que beaucoup de ces virus informatiques qui nous empoisonnent la vie ont été créés et disséminés par des informaticiens bulgares? Ah non, ça j'ignorais complètement. Hein. Et en 1985, la Bulgarie avait déjà donné une preuve de son savoir-faire en copiant un ordinateur états-unien très puissant, le VAX 750, une machine utilisée pour guider les missiles. Or, pour revenir à ce que je disais, l'URSS avait accumulé un retard considérable dans ce domaine. Ouais, elle était sous-informatisée. Ah, largement, ça, oui. Ouais. Et ça avait des conséquences désastreuses pour l'industrie militaire, où les armes nouvelles, toujours plus sophistiquées, étaient bourrées d'informatique. Mm-hmm. Toutefois, après le désastre de l'affaire Farewell, les services soviétiques devaient trouver des méthodes nouvelles pour siphonner les technologies occidentales. Et contourner donc les interdictions émises par ce COCOM. Ouais, d'où cette idée originale, la création à l'Ouest de sociétés écrans et simultanément l'ouverture de comptes privés dans des banques situées au-delà du rideau de fer. Oui, mais des sociétés écrans qui n'ont apparemment aucun lien avec un pays socialiste. Ah bah évidemment, même si leur financement est assuré indirectement par Moscou via la Bulgarie ou l'Angle. Bon, le but c'est donc de leurrer le COCOM. Oui, car ces sociétés écrans, naturellement dirigées par des Occidentaux, pourront en toute légalité acheter des brevets ou collaborer avec des entreprises qui fabriquent des matériels sensibles. Et c'est le KGB qui gère tout le système? Ah bah oui, en parfaite collaboration avec son homologue bulgare, le KDS. Le résultat, alors? Ah bah ça marche plutôt bien. Et des renseignements de première main arrivent dans les bureaux du conglomérat informatique bulgare, DZU, chargé de lancer la fabrication de disques durs d'ordinateurs à grande capacité. Le but étant à terme de construire une usine semblable près de Moscou. Mais ces vols de technologie, c'est bien de cela dont il s'agit. Hein. Oui. Ne mettent-ils pas la puce à l'oreille des Occidentaux? Ben si, forcément, car ces secteurs font l'objet d'une grande attention des services de contre-espionnage. Et au moins à deux reprises, des espions, car ce sont ni plus ni moins que des espions, se font pincer par les Américains. Coïncidence, ce sont tous deux des Hollandais. Ah bon? Pur hasard? Je le pense, oui, quoi. Qu'il en soit, ça donne aux services d'enquête des douanes états-uniennes une vue très précise de la façon dont ces réseaux fonctionnent. Premier cas, 1988, celui d'un certain Goris Grandia, un type qui a déjà eu quelques ennuis avec les Américains et qui, par conséquent, s'abstient prudemment d'apparaître physiquement aux États-Unis. Mais comment intervient-il alors ? Grandia charge deux complices, un Belge et un autre Hollandais, Franciscus Govert, de créer une société dont le siège social est aux Pays-Bas. Les deux compères traversent l'Atlantique et selon les indications fournies par Grandia, ils contactent les dirigeants d'une société états-unienne qui fabrique un système laser qui teste la fiabilité des puces électroniques. Un système si sophistiqué que l'administration a interdit, pour des raisons de sécurité nationale, toute exportation vers les pays de l'Est. Et ce Belge-là, et ce Hollandais, hein, déclarent donc leur intention d'acheter le système. Pour leur propre société, oui. Mais Grandia a apparemment mal choisi ses complices, car l'un d'eux laisse entendre que le matériel doit être ensuite revendu aux Bulgares. Ah, c'est une grossière erreur. Oui, c'est pourquoi j'ai utilisé l'adverbe « apparemment ». En fait, je ne crois guère à cette version. En réalité, ou bien les services américains n'avaient pas cessé de surveiller Grandia, ou bien les dirigeants de cette société électronique ont eu des doutes et tout de suite alerté les douanes. Quoi qu'il en soit, la deuxième rencontre entre acheteur et vendeur est filmée par une caméra vidéo cachée. Et c'est accablant pour Govert et son complice belge, car les deux hommes proposent que les matériels soient dissimulés dans des caisses portant seulement mention d'appareil de mesure. Ouais, alors le piège se referme sur eux. Naturellement, et peu après, ils sont tous deux arrêtés. Et alors, l'initiateur de l'opération, là, ce lui, grand diable... Lui, il sera appréhendé en Italie et extradé plus tard vers les États-Unis. Et les trois compères seront lourdement condamnés. Vous avez parlé d'une deuxième affaire. Hein. Oui, impliquant aussi un Hollandais. Un nommé Eddie Hack. Qui est ce... Hack, qui est à la tête d'un véritable réseau travaillant pour les Bulgares, a été l'homme qui a fourni à Sofia, avec la collaboration d'un trafiquant israélien, les ordinateurs superpuissants Vax, capables de calculer la trajectoire des missiles balistiques. Oui, mais une fourniture illicite, j'imagine. Et maintenant, cette fin des années 80, la Bulgarie et son allié soviétique veulent à tout prix acquérir la dernière version de cet ordinateur, le Vax 8800. Quand je dis à tout prix, c'est la stricte vérité. Beaucoup d'argent, quoi. Ouais, car Moscou doit suivre tant bien que mal cette course à la guerre des étoiles que lui impose Washington. Les Soviétiques sont donc prêts à dépenser des sommes énormes. Et notez-le bien, c'est aussi ce que cherchent les Américains qui sont décidés à ruiner l'URSS. Revenons à Hack. Les enquêteurs des douanes états-uniennes, qui viennent tout juste d'en finir avec le réseau Grandia, reçoivent un tuyau intéressant. Un groupe d'hommes d'affaires européens disposant de moyens financiers considérables cherche un transporteur américain peu scrupuleux pour se charger d'un trafic d'ordinateurs. En direction des pays de l'Est. Hein. Vraisemblablement. Alors ces douaniers vont monter une combine incroyable. We'll be right back. France Inter, Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Journaliste et chargé de cours à Paris au département de recherche sur les menaces criminelles contemporaines, Roumania Ugarczyńska a publié un livre très documenté, KGB et compagnie à l'assaut de l'Europe. Elle évoque longuement le projet Neva, je la cite. Ainsi, le 30 septembre 1986, avec la bénédiction de Moscou, la fine fleur de la commission gouvernementale pour la politique technique et scientifique du parti signe à Sofia la résolution numéro 5 sous le label ultra-secret d'importance spéciale qui lance la plus grande opération d'espionnage technologique connue sous le nom de code Neva. Budget 600 millions de dollars. Il s'agit de mettre en place un réseau destiné à contourner l'embargo du COCOM. Le commanditaire est en effet le Minprom Radio, ministère soviétique de l'industrie radio directement lié à l'industrie militaire. Pour lancer l'opération, l'URSS et dans une moindre mesure la Bulgarie et la Hongrie investissent des sommes colossales. Des centaines de millions de dollars sont versés sur une comptabilité distincte de la planification officielle. Ils sont ensuite dispatchés sur des sociétés écrans à l'ouest et des comptes privés dans des banques étrangères. En structurant leur réseau, les Bulgares vont concevoir avec l'aide des Tovarich de l'Ouest un véritable cocktail fait de banques autrichiennes, de sociétés aux USA, en Grande-Bretagne, en Autriche, en Allemagne, au Liechtenstein, d'hommes d'affaires hongrois, israéliens, allemands, américains et bien sûr russes et bulgares. L'ouvrage de Roumania Ugarczyńska a été publié en 2005 chez Anne Carrière. Alors, vous parliez de cette combine imaginée par les enquêteurs des douanes. Oui, ces gabelous américains très pointus montent en effet de toutes pièces une société bidon susceptible de satisfaire les ambitions de ces importateurs européens. D'accord, mais il leur faut un gros appât. Eh bien, ils le trouvent sans difficulté. Un ordinateur d'une valeur de 50 000 dollars que les dirigeants de cette pseudo-entreprise s'engagent à transporter et livrer en Bulgarie. Mais une vraie machine, non ? Tout à fait. Même si quelques éléments ont été bidouillés afin de limiter ses possibilités. Il y a tromperie sur la marchandise. Hein. Sans doute. Mais les Bulgares et leurs agents à l'ouest se déclarent pleinement satisfaits. Et l'on passe à la phase suivante. C'est-à-dire ? La négociation d'achat et de transport de matériel informatique encore plus performant. Ouais, ces fameux VAX, c'est ça ? De la dernière génération. Oui, cette fois, il y en a pour des millions de dollars. Et les douaniers jouent gros jeu. D'autant que Philippe Hack, entré personnellement en lice, leur donne la preuve qu'il est prêt à payer comptant et même bien au-delà du prix du marché, des millions de dollars s'il le faut. Alors, ça se termine comment tout ça ? Bah, écoutez, je ne connais pas tous les détails, mais Hack va être pris les mains dans le pot de colle alors que trois ordinateurs VAX allaient prendre le chemin de la Bulgarie via des destinations fictives, Arabie Saoudite ou Bruxelles. Les douaniers ont donc gagné et coincé Philippe Hack qui risque des dizaines d'années de prison. Mais, et c'est un sérieux bémol, il n'est pas exclu que trois ou quatre ordinateurs aient échappé à ce coup de filet et soient réellement arrivés à Sofia. Semi-échec donc. Ou semi-victoire, enfin en tout cas. Si le réseau Hack a été en partie démantelé, il est vrai que beaucoup de ses complices européens n'ont pas été identifiés et a fortiori arrêtés. Vrai aussi que le service bulgare et donc le KGB n'avaient pas mis tous leurs œufs dans le même panier. Si un réseau tombait, un autre pouvait très vite prendre le relais. Ce système de société écran était en effet très difficile à pénétrer dans un environnement libéral et déjà mondialisé. D'autant qu'un mastodonte de la finance internationale va bientôt se mêler de tout cela. Qui ? Le célébrissime Captain Bob, c'est-à-dire Robert Maxwell en personne. Oui, Maxwell. Mais attendez, que vient-il faire dans cette aventure ? Maxwell, mania de la presse anglo-saxonne, député travailliste, éditeur, et j'en passe, a toujours entretenu des rapports très particuliers avec les pays de l'Est. À cause de ses origines. C'est possible. Maxwell, qui s'appelait en réalité Jan Ludwig, était né dans une famille juive de la Mitteleuropa, comme on disait autrefois, dans une région qui a souvent changé de maître et qui appartient aujourd'hui à la Tchécoslovaquie. Ouais, mais après la Seconde Guerre mondiale, il a acquis la nationalité britannique. En raison des services qu'il a rendus à la couronne, exactement. En particulier dans le domaine du renseignement. Ensuite, ce colosse se lance dans les affaires et construit un véritable empire. Mais il faut tout de suite observer que sa maison d'édition, Pergamon Press, va publier toute une série de biographies à la gloire des principaux hiérarques de l'Europe de l'Est. Des textes laudatifs dont il faut bien dire qu'ils sont parfaitement inintéressants. Alors pourquoi ? Ben, pour se mettre bien avec ces personnages ? Ben, je ne vois que cette explication, car ce n'est pas vraiment une histoire d'argent. Sauf quand les partis communistes locaux achètent des paquets de livres pour faire plaisir au patron. Bon, enfin, passons. Maxwell est donc au mieux avec les dirigeants de l'Est, comme d'ailleurs avec les politiciens occidentaux qui le respectent, en tant que grand chef d'entreprise et patron de journaux influents. Mais attendez, n'a-t-on pas dit, vous sans doute, hein, que Maxwell était aussi très lié au service israélien ? C'est parfaitement exact. Mmh. Et d'ailleurs, il ne faut pas oublier que Captain Bob a été inhumé à Jérusalem avec tous les honneurs. Ouais, en Israël, il est considéré comme un héros. Hein. Ah, c'est donc qu'il a rendu de grands services à l'État hébreu. Lesquels ? Ah, ça, c'est beaucoup plus mystérieux. Mais enfin, rappelez-vous l'affaire du logiciel Promise. Un logiciel extrêmement malin, conçu pour les services d'espionnage, mais que les Israéliens ont bricolé à l'insu de leurs inventeurs américains afin de fournir des renseignements sur ceux-là même qui l'utilisaient. L'espion espionné, quoi. Ouais, et bien sans doute, vous en souvenez-vous, Maxwell a été une sorte de représentant de commerce de ce logiciel qu'il a même réussi à vendre à l'armée rouge. Mmh. Et alors tout ça, là, Israël et Soviétique, c'est quand même très contradictoire, non ? Bah, pas tant que ça. Dans le petit monde du renseignement, chacun sait que Maxwell entretient des relations avec plusieurs boutiques. Et plusieurs services, vous voulez dire ? Bon, et il peut être successivement utile à tous ces gens. Au fond, il suffit de le savoir. Mais j'en suis persuadé, il avait ses chouchous. Bah oui, les Israéliens. Oui. Toutefois, quand on mange à plusieurs ateliers, on prend des risques. Et même vos meilleurs amis peuvent se retourner contre vous. Là, vous faites allusion à la mort de Maxwell. À son assassinat. Enfin, n'y revenons pas. Et voyons quelle a été son implication dans le projet Neva. Il convient d'abord d'observer que très tôt, Maxwell avait créé des sociétés dans les pays de l'Est, ce qu'on appelait des joint ventures. Oui, des sociétés aux capitaux mixtes. C'est ça. Et sa compagnie fétiche, Pergamon Press, possédait des bureaux à Moscou. Mais c'est surtout la petite Bulgarie qui l'intéressait. Il voulait même en faire une tête de pont pour ses futurs investissements en Europe de l'Est. Car il ne doute pas que ces démocraties populaires vont s'ouvrir tôt ou tard. Un marché très prometteur. En effet. Et Maxwell, dont la situation financière était déjà excessivement précaire. Sans qu'on le sache. C'est juste. Donc Maxwell, voilà une occasion de se refaire. Et dès 1987, il crée Bimex Finance, une société dont le siège se trouve à Londres et qui se fixe comme objectif de financer l'industrie et le business bulgare. Mmh. Avec l'aval, j'imagine, des dirigeants de Sofia. Bah, forcément. Et Maxwell s'acoquine avec des politiciens influents dont certains, et ce n'est pas un hasard, sont très proches des services secrets. En tout cas, cette société arrimée à l'Empire Maxwell doit permettre aux Bulgares d'accéder au marché parallèle des importations de matériel et d'équipements qui sont interdites par le COCOM. Je n'invente rien. C'est écrit noir sur blanc dans un rapport rédigé par un proche de Maxwell, Onyan Donyov, un Bulgare qui a occupé de hautes fonctions dans son pays. Et ça, c'est clairement le projet Neva. Hein. Oui, il s'agit aussi de profiter de la notoriété et de l'implantation des sociétés de Maxwell aux États-Unis pour investir dans les nouvelles technologies sans attirer l'attention des gens du COCOM. Mmh. C'est-à-dire de prendre des participations dans des sociétés existantes opérant dans ces domaines de pointe. Afin de piller leurs secrets technologiques. Ouais, bah ça, c'est de l'espionnage industriel. Ah, bah, tout à fait. Et cette opération dont Maxwell se fait le complice est pilotée par les services de renseignement bulgares et par Andrei Loukanov, membre du comité central du PC, futur premier ministre en 1990 et ami personnel de Maxwell. Loukanov, qui sera assassiné en 1996, sans doute parce qu'il ne voulait pas partager le magot qu'il avait placé à l'étranger. Mmh. Mais quel est l'intérêt de Captain Bob là, dans tout ça ? Il est double. D'abord, en rendant service aux Bulgares et donc indirectement au KGB, Maxwell espère bien à terme devenir un partenaire privilégié lorsque les pays de l'Est vont rompre avec l'économie socialiste. Il a donc entrevu cette ouverture. Certainement. L'évolution était inéluctable. Ensuite, Maxwell comptait tirer de cette opération un profit financier immédiat, car les sommes que les Bulgares entendaient investir à l'Ouest transiteront obligatoirement par ces sociétés. Et ça, c'est du blanchiment, en somme. Bien entendu. Et Maxwell prendra sa part au passage. Et il va y en avoir pour des centaines de millions de dollars. De l'argent versé en Suisse sur un compte d'une autre société de Maxwell, Multigroup. Une société qui sera au fil du temps soupçonnée à plusieurs reprises de blanchiment d'argent. Et même d'avoir des relations avec la criminalité organisée. Or, c'est le holding Multigroup qu'on va retrouver chez nous dans une affaire qui fera beaucoup de bruit. Giga Storage. Inipena, you bye bye. проснешься, бай-бай, в облаке песен, бай-бай, в переплете контуров и линий. Ты же знаешь, бай-бай, нам не быть вместе, бай-бай, и на это есть свои причины. France Inter, rendez-vous avec X. En 1992, Courrier International reproduit un article de l'hebdomadaire 168 Jassa sur la filière bulgare de Robert Maxwell. Après avoir fait la liste d'un certain nombre d'investissements opérés par l'homme d'affaires en Bulgarie, les journalistes citent un document confidentiel rédigé par Maxwell lui-même sur sa stratégie en Europe de l'Est et ils écrivent « Tout semble indiquer que Maxwell prêtait une attention particulière à la Bulgarie où il rencontrait une compréhension immédiate. En complément des investissements déjà mentionnés, le groupe Maxwell poursuit des négociations pour 5 autres investissements en Europe centrale et orientale qui lui assureront entre 50 et 100% de chaque société, est-il encore écrit. Maxwell estime que les économies de transition des pays d'Europe centrale et orientale offriront des possibilités d'investissement à bien moindre coût que leur valeur réelle à cause du manque de capitaux dans la région et du manque d'expertise occidentale. Selon lui, les investisseurs occidentaux bénéficieront de salaires bas, d'une main-d'œuvre formée et de matières premières sur place et seront confrontés aux difficultés inhérentes aux économies de marché en cours de création. Le document indique comme avantage principal qu'en 45 ans d'expérience, M. Maxwell a créé un réseau puissant de relations avec des leaders du milieu des affaires, de la politique, de la science et de la culture dans la plupart des pays du centre et de l'est de l'Europe. L'expérience de M. Maxwell et ses relations offriront de meilleures possibilités à l'associé principal pour dégager des investissements. Mais rassurez-moi, là, le scandale bien connu, le scandale Giga Storage, n'a aucun rapport avec le projet Neva. Sauf que la plupart des acteurs étrangers de cette affaire ont été mêlés à Neva. Et puis il s'agit encore d'informatique, et plus précisément de disques durs. Et il faut le souligner, malgré la dislocation de l'Empire soviétique, l'opération Neva n'a été abandonnée qu'en 1994. C'est-à-dire que, même après, l'espionnage industriel aurait continué. Et pourquoi pas ? Les services de renseignement actuels ont repris fidèlement la suite de leurs prédécesseurs. Et d'ailleurs, la plupart du temps, les hommes sont restés les mêmes. La vraie différence, c'est que maintenant, ils travaillent pour eux-mêmes ou pour les mafias locales. Ouais, c'est la même chose. Hein, hélas. Ouais. Alors, Giga Storage, je vous raconte, le pivot de l'affaire, c'est le bulgare Bisser Dimitrov. Ouais, et c'est lui qui va créer cette société. Effectivement. Ouais. Alors, qui est ce personnage ? C'est le fils d'un général de la Sûreté d'État. Diplômé d'un institut d'études économiques, il commence une brillante carrière dans la nomenclature bulgare. Il se marie d'abord avec la fille d'un vice-ministre, divorce et se remarie avec la fille du procureur général. Eh ben, ascension par les femmes. Il est vrai que Dimitrov a un côté playboy. En tout cas, il gravit très vite les échelons et occupe de hautes fonctions dans les domaines très sensibles de l'électronique et de l'informatique. C'est donc un spécialiste. Et il dirige même des entreprises de fabrication d'ordinateurs. Et c'est là, dans la deuxième moitié des années 80, qu'il aurait été associé au projet Neva. Oui, c'est assez logique, d'autant que fils d'un général des organes de sécurité, comme on disait à l'Est, il était peut-être assez proche des services secrets. Et pourtant, à la fin des années 80, ça se gâte pour lui. En apparence, tout au moins. On m'a expliqué, alors. Il est accusé de détournement de fonds. Et pas pour une petite somme, plusieurs millions de dollars. Et bien sûr, il est arrêté. Et il écope d'une peine de 6 ans de prison. Mais cette condamnation est rapidement réduite à 1 an. En fait, Dimitrov ne restera incarcéré qu'une demi-année. Oh, c'est pas très cher pour un tel détournement d'argent, surtout à l'Est. Aussi mon avis. Et la suite est encore plus étonnante. Cet escroc, car c'est bien de cela qu'il s'agit, obtient la permission de partir pour les États-Unis. Mm-hmm. Une faveur ? Octroyée par le premier ministre Loukanov. Ah, Loukanov, l'ami de Maxwell. Et le coordinateur en Bulgarie du plan Neva. Dimitrov part donc directement vers la Californie. La Silicon Valley, très exactement, il s'y installe. Et monte aussitôt avec 2 Américains une société informatique, Orca. On peut donc penser qu'il n'est pas arrivé aux États-Unis les mains vides. Ah bah c'est aussi mon sentiment. Car écoutez bien, quelques mois plus tard, il s'achète une belle maison pour 600 000 dollars. 600 000 dollars. Donc vous pensez que l'accusation portée en Bulgarie contre lui, sa condamnation et le reste, bah, que tout ça est cousu de fil blanc. Exactement. Car il fallait qu'il arrive en proscrit aux États-Unis. D'ailleurs, il va très vite obtenir la carte verte qui lui permet de travailler là-bas. Mmh. Et cette société-là, Orca, c'est ça? Oui. Ouais. Bon, pour moi, une fois, nul doute qu'elle a été créée dans le cadre du projet Neva. Et on va y retrouver, comme par hasard, ce Doinov, le complice bulgare de Maxwell. D'accord, mais concrètement, que se passe-t-il là? Orca met, par exemple, la main sur une société états-unienne en faillite, qui possède des brevets sur une technologie de pointe. Brevets qui sont immédiatement vendus à l'usine informatique bulgare des Edus. Cependant, le changement de régime à Sofia ne doit pas y être étranger. Orca, en panne de financement, fait faillite à son tour. Ce qui vaut à Dimitrov quelques soucis avec la justice américaine. Toutefois, ça ne décourage pas Dimitrov, qui crée aussitôt une autre structure, toujours en vue de fabriquer des disques durs. Et c'est là que commence vraiment l'affaire Gigastorage. Alors, de quelle façon, exactement ? Dimitrov fait la connaissance d'un Français qui représente l'agence de développement économique du territoire de Belfort. La région, vous le savez sans doute, connaît alors de graves difficultés économiques, surtout depuis que Bull, notre constructeur national d'ordinateurs, a licencié et quitte Belfort. Pourquoi ne viendriez-vous pas visiter le site, propose le Français. Et Dimitrov accepte. Tout de suite, car affirme-t-il, il y a longtemps qu'il cherche à investir en Europe. Alors, son voyage, là, se présente sous les meilleurs auspices. Et Dimitrov rencontre plusieurs personnalités du territoire, dont le président du Conseil général, Christian Proust, et le maire de Belfort. Ah, Jean-Pierre Chevènement. Et pour ces personnages politiques, mais aussi pour la Chambre de commerce, c'est l'espoir qui renaît. Oui, la promesse de création d'emplois, quoi. Par dizaines, ouais. Peut-être même par centaines. Car le plan que propose Dimitrov est très séduisant. Il affirme en effet être capable de fabriquer des disques durs d'ordinateurs de grande capacité, mais à des coûts bien moindres que ses concurrents directs. En outre, il met en avant ses nombreuses relations dans la Silicon Valley. Mais, prévient le Bulgare, il faut faire très vite, car il ne dispose que d'une avance de quelques mois sur ses concurrents. Ça, c'est peut-être une façon de précipiter les choses. Et d'obtenir au plus vite un accord de coopération. Et puis, Dimitrov est un beau parleur. Un homme sympathique, entreprenant, qui emporte facilement la conviction. Du côté français, aucune méfiance ? Certes. En creusant un peu, les informations recueillies sur Dimitrov ne sont pas toutes très brillantes. La DST en particulier émet un avis réservé sur le dossier proposé par le Bulgare. Quant à la Cybelle, une entreprise chargée de la reconversion des personnels licenciés par Bull, un organisme créé par les collectivités locales, l'État et Bull. Après avoir donné un avis défavorable, elle sera liée au projet Dimitrov. Mais attendez, c'est de la naïveté ? Je ne sais pas. Mais il est vrai que dans cette région sinistrée par le chômage, les promesses de Dimitrov font rêver. Et cette reconversion du site Bull semble pain béni. Cet enthousiasme se traduit naturellement par le déblocage d'argent public. Cette Cybelle dont je vous ai parlé y va de son écho. 1,5 million de francs. Puis une prime de plus de 13 millions au titre de l'aménagement du territoire semble acquise. Quant aux collectivités locales, elles sont prêtes à verser 3 millions supplémentaires. Ça commence à faire beaucoup, là. Oui, et la société Gigastorage est créée. Avec des fonds publics, donc. Et pour le démarrage, essentiellement. Mais parmi les associés et partenaires qui vont constituer le capital, on trouve un curieux mélange. Et disons-le tout de suite, la plupart de ces gens ou des organismes bancaires ont été mêlés au projet Neva. Des exemples, alors. Multigroupe. Le holding créé par Maxwell prend 40% du capital. Une banque hongroise, qui a servi à financer Neva, est aussi de la partie. Et des Bulgares et Russes sont également associés à l'entreprise. En même temps, une filiale états-unienne est chargée des recherches, tandis que Dimitrov fait miroiter la possibilité de création de presque 300 emplois à Belfort. Le miroir aux alouettes. Ça y ressemble, oui. Enfin, je vais vite. Pour une fois. Oh, bon, je ne relève pas. Donc, en septembre 1995, Dimitrov déclare que pour lancer la production Gigastorage, a besoin d'une augmentation de capital. Pourtant, au même moment, il transfère 20 millions aux États-Unis. Quoi, c'est les subventions, ça ? Oui. Il s'agit, selon le Bulgare, de couvrir les dépenses générées par la montée en puissance de la filiale recherche. Est-ce que c'est un détournement de fonds ? Écoutez, je vous laisse libre de juger. Quoi qu'il en soit, c'est un événement secondaire qui va faire capoter l'affaire. l'interpellation à la frontière franco-allemande de 47 Malais sans contrat de travail. Ouais, ces Malais, ils sont décidés à travailler à Giga Storage ? Des techniciens, prétend Dimitrov. Alors qu'il y a de nombreux Belfortins au chômage. Ça déclenche une enquête. Et l'administration n'est pas sans arrière-pensée. C'est-à-dire ? Tout ce qui peut affaiblir Chevènement et ses amis est le bienvenu. Ah oui, exactement. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais le président du Conseil général passera 15 jours en détention provisoire. Il faut le souligner. Il sera plus tard complètement innocenté. Et Dimitrov, lui Il sera lui aussi incarcéré quelques jours. Et en 2004, il est condamné à 6 mois de prison avec sursis. 10 000 euros d'amende et l'interdiction d'exercer en France toute activité professionnelle. Mais Dimitrov s'en moque. On va bientôt le retrouver chez lui où il annonce qu'il va créer une Silicon Valley à la Bulgare. Mmh. La Bulgare. Mmh. Alors, expliquez, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Je vous renvoie au début de notre entretien. Ce sont les anciens du KGB, associés aux diverses mafias locales, qui se trouvent derrière cette affaire et bien d'autres. Bref, c'est une sorte de recyclage du projet Neva, au seul profit de ses promoteurs. Et cela grâce à ce que les spécialistes appellent des pyramides technologiques. Autant de structures uniquement destinées à siphonner l'argent des investisseurs. Les mafias, a dit M. X, les mafias qui prospèrent dans les pays de l'Est. Ainsi en témoigne en 1996 l'envoyé spécial du Monde en Bulgarie, Christophe Châtelot. À l'image d'un conseiller présidentiel, ils sont de plus en plus nombreux à dénoncer l'État dans l'État constitué par ces groupes criminels avec la complicité du pouvoir. Des officiers de police et d'anciens membres des services de sécurité prennent une part de plus en plus active dans des opérations de racket, s'alarmait récemment la Fondation d'opposition Démocratie. Confronté à un taux de criminalité multiplié par 5 au cours de ces dernières années, le ministre bulgare de l'Intérieur, Nikolaï Dobrev, reconnaissait de retour d'une visite officielle en Russie que les deux pays devaient faire face à des problèmes similaires. Chaque semaine apporte son lot de violence. Au début d'octobre, le patron d'une boîte de nuit de Sofia décédait dans l'explosion de sa voiture piégée. Quelques jours plus tard, le directeur d'une société de protection était abattu en pleine rue de plusieurs balles dans le dos. Entre-temps, l'ex-premier ministre socialiste, Andrei Loukanov, avait lui aussi été exécuté par un tueur professionnel. L'insécurité déborde de la rubrique des faits divers et depuis longtemps ne se limite plus au vol de voitures dont les truands bulgares se sont fait une spécialité. C'est maintenant le système bancaire qui est en danger après la faillite de plusieurs établissements fondés avec l'argent de trafic en tout genre.